Nuit d'espoir, chanson rose, jour morose, chanson noire. Selon l'heure, pleure ou rire, si le cœur me le dit. Nuit d'espoir, chanson rose, jour morose, chanson noire. Va et viens, balançoire, rose et noir, baladin. Noir ou rose, même histoire, deux miroirs, même chose. Nuit d'espoir, chanson rose, jour morose, chanson noire. La misère et l'horreur, l'univers de la peur. La douceur, oiseau rare, j'ose y croire par malheur. Nuit d'espoir, chanson rose, jour morose, chanson noire. Va et viens, balançoire, rose et noir, baladin.